Jean-Charles Payet, recueil de poésie « Je suis de ce pays-là » lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. D'un ciel tendu comme un cri, d'une plaine aussi vaste que la mer, elle aimerait voir apparaître mouettes et coquillages. Quelques murs pour récifs et des maisons pour bateaux s'accrochent à sa terre natale. Dans ses veines bouillonne le voyage, dans ses yeux se noie un dernier soleil. Tandis qu'au loin, comme un phare, merveilleux mystère de la vie, veille Notre-Dame de Chartres. Je suis d'un pays où l'eau claire baigne la bouche ou les yeux. Le sang est vif comme un vol d'abeilles. Il coule s'il le faut pour la vérité, la liberté. Je suis d'un pays de douceur et de dureté selon les saisons. La nuit peut être de feu, les heures sans sommeil, et le matin chanter clair. Les mots, les couleurs de mon pays élèvent l'âme. Il a bien d'autres choses qui sonnent haut et fort. Je suis d'un pays de rêve et de réalité, où le ciel et la terre ont un souffle majeur. Un jour, la pomme est douce, sa chair juteuse entre les doigts calme notre appétit. Un jour, les pépins nous heurtent les dents, et nous avançons, des pommiers pleins la tête, sans connaître la récolte à venir. La vie est un mélange, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, ni tout à fait elle-même. J'ai le rêve léger l'été dans les prés. Il habite chaque fleur, s'envole au moindre souffle et se couche dans l'herbe en attendant les étoiles. Il frissonne d'être de ce monde de terre et de ciel, d'horizon ramené à sa juste valeur. Aurons-nous le temps de passer d'une rive à une autre, de poser un pied sans se noyer, sans toucher le fond, si ce n'est de nous-mêmes? Aurons-nous le temps de poser un autre regard sur un autre visage? La nuit arrive si vite et les heures ne se remontent pas. Fragile fuite en avant à chacun de nos pas. Aurons-nous le temps d'aimer, de nous aimer, ne serait-ce qu'un instant dans cette éternité que l'on sait compter? Les yeux ouverts au bord du monde, aurons-nous simplement le temps de vivre au milieu de ces quelques mètres carrés d'espace qui nous entoure et nous échappe? En aurons-nous le temps ?